Yeah, Jimmy Master Play. Le mec a du débit qui met tout le monde à l'aise. Master Play. Je déplace les falaises sans même avoir maîtrisé le solfège. J'ai jamais appris les cours de musique de ma life. Jamais. Mais ta vie, je maîtrise tout en free life. Ok, passe-moi le mighty micro. Que je te fasse une impro. Je vais te laisser sur place. Tu vas rester bouche bée. Je te balance la face B. Reste intact, reste de tact, mais reste de marbre. Car ici, ça plaque pas, c'est Paname. Plaque pas, c'est Paname. Reste intact, reste de tact, mais reste de marbre. Car ici, ça plaque pas, c'est Paname. Plaque pas, c'est Paname. Tu peux me juger, dire que je sais pas racheter, que je sais pas poser, que je sais pas enchaîner les mots comme Borsalino. Mais sache que, bah les couilles, mon gars. Là pour mettre la réputation à nul, gars. Parce qu'ici, je remets les compteurs à zéro. J'explique le topo. DB Master Plays, F2X dans les studios. Ici, ça lâche du lourd, c'est du sérieux. Truc, truc de fou, truc de nerveux. Le duc fait danser ses neveux, le turc perd ses cheveux. Faites neveux.